Chapitre 10e. Après avoir reçu cette lettre, Barbara se mit au lit avec la fièvre. Sa vie ne fut pas en danger, elle n'eut pas le délire, ses forces étaient abattues, ses traits étaient flétris, elle était faible comme un enfant. Sa mère la comblait de soins, d'attention, l'encourageant de l'espoir d'une guérison prochaine. Son dévouement triompha du silence de Barbara, qui finit au bout de quelques jours par avouer à sa mère que le chagrin, plutôt que la maladie, la consumait. Elle lui ouvrit tout son cœur et termina sa confidence en disant « À quoi bon vivre maintenant, sans espérance, sans avenir ? Mais à quoi bon mourir quand on est si aimé ?» répondit Madame Trevenock en serrant tendrement sa fille dans ses bras. « D'abord, tout vaudrait mieux que d'épouser un homme qu'on ne peut estimer. Ah, je l'aime et je l'estime toujours. Je lui écris que je ne faisais aucun cas de l'opinion du monde. » Et que je ne reprendrais ma liberté que si je savais qu'une autre femme m'a supplanté dans son cœur. N'envoyez pas cette lettre, de grâce, ma chère enfant. À en juger par ce que vous venez de me dire, la lettre du capitaine Leland doit vous faire supposer qu'il a manqué à l'honneur. Hélas, les officiers dans l'Inde se jettent souvent à l'étourdi dans des embarras inextricables et qui compromettent à jamais leur réputation. Vous ne pouvez pas épouser un homme ayant commis une mauvaise action. Que dirait votre tante Sophie ? « Laissez-moi écrire au capitaine. Il y a des choses que je lui dirai mieux que vous. J'en prends la responsabilité. On peut, à la rigueur, épouser un homme pauvre, mais il n'est pas permis d'épouser un homme qui a donné prise à la médisance. »« Je croyais que George Leland avait toujours vos sympathies. Vous m'en parliez toujours comme un type de délicatesse et de loyauté. Oui, mais je n'ai jamais approuvé un mariage à si longue échéance. Je tiens à lui écrire que tout est rompu. Je ne saurais m'y résoudre, ma mère. » Je lui enverrai ma lettre. Je ne puis partager vos appréhensions, vos sinistres conjectures, et si George m'aime encore, je suis prête à partager sa mauvaise fortune. » La mère et la fille causèrent ainsi longtemps. Barbara, la tête appuyée sur le bord du lit, Madame Trevenock caressant le front soucieux de la jeune malade. Tout à coup, on entend monter l'escalier avec précipitation. Florence fait irruption dans la chambre, tenant dans sa main un élégant panier rempli de roses et de raisins. « Regarde, » dit Florence à sa sœur avec ravissement, « vois combien le client de papa est aimable pour nous. Il vient d'apporter ce panier et nous demande s'il nous serait agréable d'assister à la dernière représentation de l'opéra italien de Covent Garden. Voudriez-vous descendre, maman, pour recevoir M. Penrith ?»« Que lui dirai-je » demande Mme Trevenock à Barbara. « N'importe quoi pourvu que moi je n'ai pas à profiter de cette loge. » Florence fait à ce moment un haussement d'épaules significatif et dit « Est-il possible d'accueillir avec autant de mauvaise grâce des attentions aussi aimables ? Tu es libre de les accepter si cela convient à ma mère et à toi, mais pour moi je ne vais pas à l'opéra avec M. Penrith. » Tu penses bien que l'on ne peut continuer à se montrer aimable vis-à-vis d'une famille dont un membre vous témoigne une antipathie aussi persistante. Cela finira par le décourager. Comment le remercier de ses roses et de ce raisin ? Il les a portés à ton intention. Comme bon te semblera. Alors je vais dire que les roses et le raisin sont tes fruits et tes fleurs de prédilection. » Le lendemain était jour de courrier de l'Inde. Barbara, n'étant pas encore assez forte pour aller jeter sa lettre à la poste, confia à Florence cette importante mission. « Je ne crains pas d'affirmer que ce dépôt sacré ne peut être remis en de meilleures mains, » dit Florence. « À bientôt, ma chérie. Je vais prendre les ordres de ma mère. » car elle m'a prévenu que j'aurais des commissions à faire chez tous nos fournisseurs. Voilà ce que c'est que de se dévouer aux affaires du ménage. » Madame Trevenock charge en effet Florence de faire de nombreuses acquisitions. Elle écoute sa mère tout en comptant sur ses doigts ce qu'elle a acheté. « Il vaudrait mieux faire une liste de tous ces objets, » dit Madame Trevenock. « C'est inutile, » repart Florence. « Ma mémoire est infaillible. En plus, je suis pressée par l'heure. Il faut que la lettre de Barbara soit mise avant 4 heures à la poste. » Sa lettre pour l'Inde ? Oui, c'est le jour du courrier. » Madame Trevenock poussa un profond soupir en donnant un peu d'argent à Florence pour faire ses différents petits achats. « J'espère, dit-elle, que Barbara ne sera pas comme moi toujours dans la gêne. La vie semble un si long voyage quand on doit calculer le prix de chaque pas. Combien je voudrais qu'elle épousât un homme riche. Et moi aussi je le désire beaucoup pour elle et un peu pour moi, » riposte Florence. Puis elle embrasse sa mère et part, légère et gracieuse comme un papillon. Son costume correct et simple fait ressortir sa taille élégante et fine. Florence est une personne pratique, comme elle le dit elle-même. Il faut qu'elle mène de front les affaires et les plaisirs. Il faut qu'elle butine sur son chemin, non pas le miel, mais des distractions. Il faut qu'elle flâne aux devantures de tous les magasins. Elle examine avec la même attention les flacons d'odeurs, les pots de pommade, les boîtes de conserve, les pelotons de laine, les joujoux, les bijoux faux, les chapeaux, les gants, les parapluies, les parasols et les fleurs artificielles de France, à 3 pence la botte. Elle songe, chemin faisant, à tout ce qu'elle achèterait, si elle pouvait dépenser 1 sovereign pour elle. Elle est déjà loin de l'épicier quand elle s'aperçoit qu'elle a oublié le péco à pointe blanche que sa mère lui avait spécialement recommandé d'acheter. Elle retourne sur ses pas, puis s'écrie « Et la lettre ?» Elle se dirige alors en toute hâte vers la poste et cherche la lettre, mais de lettre point. Elle retourne son sac, il ne contient pas de lettre. Ses yeux cherchent par terre, elle ne voit rien sur les pavés. Elle pousse un profond soupir, et le front chargé d'un épais nuage, elle va de nouveau dans tous les magasins où elle est déjà allée, demander si on n'aurait pas trouvé une lettre. Personne ne sait ce qu'elle veut dire. Elle en est partout pour ses pas et démarches. Elle repart, désolée. Elle ne conçoit pas comment une chose pareille peut arriver. Barbara ne lui pardonnera jamais. Quelles explications pourra-t-elle lui donner? Florence revient, le cœur si triste et si humilié qu'il est facile de voir qu'elle est sous le coup de quelque grande contrariété et tourmentée par une idée pénible. « Je suis sûr que vous avez perdu de l'argent, » dit Madame Trévenoc à Florence dont le trouble est évident. « De l'argent? Il ne me restait qu'un shilling quand toutes les notes ont été acquittées. » « Pour l'amour de Dieu, parlez, Florence, qu'avez-vous? J'ai perdu la lettre de Barbara. » Madame Trévenoc ne répond mot. Puis, après un moment de réflexion, elle dit « Si vous ne racontiez pas à Barbara ce qui est arrivé, mais ce pauvre George Leland, Florence, des raisons de la plus haute importance font qu'il vaudrait beaucoup mieux que cette lettre ne parvienne jamais à George Leland. Je suis obligé de vous confier un grand secret. George Leland, que nous aimions tant, est paraît-il compromis dans une affaire très grave. Dieu seul sait comment cela finira. Il a rendu à Barbara sa liberté, et la pauvre enfant, malgré cela, a fait la folie de lui écrire que rien ne pourrait changer ses sentiments pour lui et qu'elle lui serait éternellement fidèle. « Est-ce possible ? » s'écrie Florence. « Que ce soit la lettre que j'ai perdue ?»« En vérité, » reprend-elle avec véhémence, « ce que je me reprochais comme une maladresse est un trait de génie. Donnez-moi votre bénédiction, » dit-elle à sa mère, en la saluant jusqu'à terre. « Barbara sera Madame Penrith. Barbara aura une des grandes fortunes de Cornouailles. Barbara vivra dans l'opulence. On a une destinée ou on n'en a pas ?» Cependant, Barbara, elle, se demande ce que le sort lui réserve. Elle compte les jours, les heures, qui la séparent du prochain courrier à recevoir de l'Inde. Cette attente l'aide à vivre. Mais les jours passent, les mois s'écoulent, les feuilles tombent, le ciel s'obscurcit. Le soleil pâlit sans que la réponse si désirée arrive. Barbara s'attriste et se décourage. Il est évident pour elle que George Leland a donné son cœur à une autre. Il voulait être libre. Il le lui a indiqué clairement. Il ne lui reste qu'à se soumettre et à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais aussi, comment aurait-elle pu douter de son amour? Elle reste comme écrasée sous le coup qui la frappe. Tout est fini. Madame Trévenoc et Florence redoublent de sollicitude et d'attention pour Barbara, mais elles n'ont garde de vouloir pénétrer ses secrets. Florence affecte une sérénité inaltérable. Elle fait de temps à autre des allusions aux clients du Cornouailles, à ses ardoisières, à ses domaines, à ses voitures, à ses serviteurs, à ses loges, et à son admiration évidente pour Barbara. On ne prononce plus jamais le nom de George Leland. Madame Trévenoc et Florence sentent bien qu'elles ont eu tort. Mais elles cherchent à étouffer leur remords en se disant que la fin justifie les moyens. C'est avec anxiété, sans doute, qu'elles constatent que Barbara, lasse de se tourmenter dans le vide, s'étiole et pâlit. Mais en même temps, l'idée que la réponse du capitaine n'aurait pu que lui causer de nouveaux chagrins leur donne beaucoup à penser. En outre, Madame Trévenoc se répétait que le sort le plus triste et le plus malheureux est encore d'épouser un homme qui a manqué à l'honneur. Puis elle se disait aussi que la jeunesse et la santé reprennent toujours leurs droits et que souvent les pensées douloureuses finissent par lâcher prise. Barbara se remet en effet peu à peu du coup qu'elle a reçu. Son front cesse d'être aussi rembruni. La fraîcheur reparaît sur ses joues pâlies. Elle ne se révolte plus contre les plaisanteries de Florence. Bientôt, elle s'abandonne à de douces effusions avec sa mère et sa sœur. La victoire est gagnée. La bonne harmonie règne de nouveau parmi le trio féminin de la Villa des Roses.